كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أزئ به. Serviteur d'Allah, craignez Allah d'une crainte qui est réelle. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi les temps, donc des périodes, afin de l'adorer. Et il a choisi parmi ces temps, donc des jours et des nuits et des heures, de sa bonté subhanahu wa ta'ala. Et à chaque fois que vient le mois du Ramadan, les musulmans retournent à leur moment béni, à leur moment béni, le mois où les jeûneurs vont se purifier, où ils vont effacer ce qui était mauvais de leur vie. Et les musulmans vont à l'encontre de ce mois et leur cœur, leurs âmes, les cœurs et les âmes des pieux vont être heureux. On retrouve ici donc des cœurs qui sont heureux, les cœurs de ceux qui adorent, aiment et sont heureux de ce mois-là. C'est pour ça qu'il y a peut-être un jour où Allah accepte ce que tu fais et va donc faire de toi quelqu'un qui sera agréé de lui. Le jeûne, c'est le secret qu'il y a entre Allah, le Créateur, et la créature. Car la personne le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle est sincère. Le jeûneur a faim, il a soif, et il se retrouve donc, il se retrouve auprès de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith Qudsi, Allah dit, chaque acte du fils d'Adam est pour lui. Sauf le jeûne, il est pour moi, et c'est moi qui le récompense. وَيُحَقِّقُ الْعَبْدُ فِي دَرْسُ الْإِخْلَاسِ لينطلق به إلى سائر العبادات بعيدا عن الرياء والصيام يصلح النفوس ويدفع إلى اكتساب المحامد والبعد عن المفاسد به تغفر الذنوب وتكفر السيئات وتزداد الحسنات فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه شر الطاعة وقربة والبر والإحسان والمغفرة والرحمة والرضوان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين والليالي مباركة وفيه ليلة مضاعفة فيها وهي أم الليالي ليلة القدر والشرف خير من ألف شهر من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تكذب من ذنبه فيه صبر على الحمى والظماء ومرارة الجوع ومجاهدة النفس في زجر الهوى وجزاؤه باب من أبواب الجنة لا يدخله غيرهم فيه التذكير بحال الأقباد الجائعة من المساكين ويستوي فيه المعدوم والموصل كلهم صائمون إلى ربه مستغفر لذنبه يمسكون عن الطعام في زمن واحد ويفطرون في وقت واحد ويتسوون طيلة نهارهم بالجوع والظماء ليتحقق قول الله تعالى في الجميع وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. Le serviteur concrétise ici la leçon de la sincérité afin de continuer toutes les œuvres loin de l'ostentation. Et le jeûne arrange les cœurs, arrange les âmes et le pousse à obtenir tout ce qui est loué auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et à s'éloigner de tout ce qui est mauvais. Et par ce mois, les péchés sont effacés. Les péchés, les mauvaises actions, elles seront effacées. Et les hasanat, les bonnes actions, augmentent, se multiplient. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui jeûne le mois du Ramadan avec foi et avec espérance de la récompense, lui sera pardonné ses péchés passés. C'est un mois d'adoration. C'est un mois d'adoration et de rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, de bonté et d'obéissance, de pardon, de miséricorde et d'agrément. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque entre le mois du Ramadan, les portes des cieux sont ouvertes et sont fermées les portes de l'enfer et sont attachées les diables. Ces nuits sont bénies. Il y a une nuit dans ces nuits qui est la mère de toutes les nuits, la plus importante de toutes les nuits. C'est la nuit du destin, celle qui est noble, celle qui est bénie, et elle est meilleure que 1000 mois. Celui qui y adore, donc celui qui va revivifier cette nuit, aura les actions multipliées. Et celui qui le fait aussi, donc avec foi et avec espérance de la récompense, tous ses péchés passés lui seront pardonnés. Et il y a ici de la patience pour la difficulté de la soif, la difficulté de la faim, et aussi le fait de faire les efforts sur soi-même afin de repousser ce qui est mauvais, afin de repousser les tentations. Et leur récompense est une porte parmi les portes du paradis. Et personne n'y entre à part eux. Et aussi, il y a le rappel de ce qu'il y a dans les ventres de ceux qui ont faim. Donc le jeûneur, c'est-à-dire par rapport à celui qui a faim, les pauvres. On pense en ce moment-là aux pauvres. Car ici seront égaux le riche et le pauvre vis-à-vis de la faim. Et tous jeûnent pour leur Seigneur en espérant qu'Allah leur pardonne leurs péchés. Et ils se retiennent de ne pas manger de nourriture au même moment. Et ils vont rompre le jeûne au même moment. Donc ils sont pareils. Toute la journée, ils ont faim, ils ont soif. Et Allah dit, certes, cette communauté est une seule communauté et je suis votre Seigneur, donc craignez-moi. Ayyuha al-Muslimun, dhikru an-nasi da' wa dhikru Allah shifa wa al-Qur'an al-Azim asas al-Din ayatu al-Risala wa ruhu al-Hayat nazala fi Sayyid al-Mashhur inna anzallahu fi laylat al-Qadr wa nuzuluhu fi imal hadhihi al-Umma bil-Ikthar min tilawatihi وتدبره وكان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل في السماء يدارس فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كاملا القرآن وفي العام الذي توفي فيه عرضه عليه مرتين وكان بعض السلف يختم في رمضان في كل ثلاث ليالي وبعضهم في سبع وبعضهم في عشرين وكان الإمام مالك إذا دخل رمضان أقبل على تلاوة القرآن وترك الحديث وأهله وإذا أحسنت القول فأحسن الفعل ليجمع معك مزية اللسان وثمرة الإحسان ودائرة الجود تتسع لما يعفو إليه القلوب المؤمنة من التطوع في الخير وتوسع في إيساء المعروف. Le fait de mentionner les gens est une maladie. Et le fait de mentionner Allah est une guérison. Et le Coran illustre et la base de la religion. C'est le signe de la révélation et c'est l'âme de la vie. Il est descendu chez ce moi qui est connu. Allah dit, nous l'avons descendu dans une nuit, donc dans la nuit du destin. Certes, nous l'avons descendu dans la nuit du destin pendant le Ramadan. Et il a été descendu en ce moment-là. Et les gens vont lire énormément ce Coran. Et ils vont y réfléchir. Il faut méditer et réfléchir sur le Coran. Et Jibril, alayhi sallam, descendit du ciel et enseignait ce Coran à notre envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam complètement. Et l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il l'a enseigné deux fois. Il l'a enseigné deux fois. Et certains pieux prédécesseurs terminaient le Coran pendant le mois du Ramadan toutes les trois nuits, d'autres toutes les sept nuits, d'autres toutes les dix nuits. Et l'imam Malik rahimahullah, lorsqu'il le mois du Ramadan entrait, il a accepté et il allait alors. Donc à l'encontre, il allait donc vers la lecture du Coran et délaisser le hadith et les gens du hadith. Et si tu dis des bonnes choses, fais aussi des bonnes choses. Fais aussi des bonnes choses. Afin que soit rassemblé chez toi, donc justement, non seulement le beau produit de la langue, mais aussi les fruits de la bonté. Et le fait d'être généreux. Car c'est comme ça que le croyant est. Donc il est généreux et il va faire plus en ce moment-là. Il va faire plus de bien. Et il va donc augmenter dans le bien. وَالْمَالُ لَا يَذْهَبُ بِالْجَوْدِ وَالصَّدَقَ بَلْ هُوَ فَرْضٌ حَسَنٌ مَضْمُونٌ عِنْدَ الْكَرِيمِ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ يُدَاعِفُهُ فِي الدُّنْيَا بَرَكَةً وَسَعَادَةً يُجَازِيهِ فِي الْآخِرَةِ نَعِيمًا مُقِيمًا يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا فتحسس دور الفقراء والمساكين ومساكين الأرامل والأيتام ففي ذلك تفريج الكربة لك ودفع البلاء عنك وإشباع الجائع وفرحة للصغير وإحفاف الأسرة وإغناء عن السؤال لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأجوادهم إن أنفق أجزل وإن منح أعطك وإن أعطى عطاء من لا يخشى القافع وكان يستقبل رمضان بفيد من الجود ويكون أجود بالخير من الريح المرسلة فأكثر من البذل والإنفاق في لياليه المعدودة والمال لا يبقيه حرص وشح ولا يذهبه بذل وإنفاق. L'argent ne disparaît pas et ne part pas par la bonté et l'aumône. Car c'est une obligation, c'est une bonté. Et ça, ça a été donc dit par la part de notre Seigneur, le généreux, il dit, tout ce que vous donnerez, Allah le remplacera. Allah le donnera en mieux, il va le remplacer. Il donnera encore mieux que cela. Et il l'augmente dans la vie d'ici-bas, en baraka, en bénédiction et en bonheur. Et il récompense dans l'au-delà par des grâces qui sont perpétuelles, continuelles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque jour où les serviteurs se lèvent, deux anges descendent. Deux anges, chaque jour, descendent. Et il dit, l'un d'entre eux dit, ô mon Seigneur, donne à celui qui a donné une succession, quelque chose de meilleur après. Et l'autre dit, ô mon Seigneur, donne à celui qui n'a pas donné, qui a retenu telle affaire, une perdition. Ça veut dire, il va lui arriver donc quelque chose de mauvais par rapport à l'argent qu'il a gardé. Donc recherche où sont les pauvres. Recherche donc les maisons des pauvres, hein, de ceux qui sont dans le besoin, des veuves, des orphelins. Car en vérité, tu vas enlever, non seulement c'est pour toi le fait d'enlever justement un mal pour toi, car Allah va t'enlever les maux que tu as pu lier en toi, et aussi Allah te protège du balai, Allah va te protéger des épreuves. Et aussi donc tu vas faire quoi ici? Donc tu vas en vérité rassasier celui qui a faim. Tu vas rendre heureux le petit. Tu vas faire que la famille ne va pas demander. Tu vas faire que la famille elle va se protéger. Et aussi lorsque... Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était le plus généreux d'entre tous. Lorsqu'il donnait abondamment, et lorsqu'il donnait, qu'il donnait de la meilleure façon et abondamment. Tellement il était gentil. Il était encore meilleur, plus gentil que la bonaire. Et les gens savent qu'est-ce que veut dire ici la bonaire. Donc donne, surtout pendant ces nuits qui sont, donc en vérité elles sont restreintes, il n'y a pas beaucoup de jours, c'est 10 nuits, c'est quelques temps, c'est un seul mois, c'est pas énorme. Donne pendant ce mois béni. Car l'argent, c'est pas parce que tu es avare, et c'est pas parce que tu es donc avide et tu veux protéger ton argent, c'est-à-dire que ton argent va rester. L'argent ne reste pas pour l'avide et pour l'avare, mais plutôt, elle va rester pour celui qui donne, fils abilillah. وَاللَّيَالِي رَمَضَانِ تَاجُ اللَّيَالِ الْعَمْ وَتَجَّاهَا ثَمِينَةٌ بِذُلَمَائِهَا فِيهَا تَسْفُ الْأَوْقَاتِ وَتَحْلُ الْمُنَاجَاتِ يَقُولُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيدَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَمَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ اللَّيْلِ وَمَنْ لَمْ يُصَبِّرْ نَفْسَهُ عَلَى طَاعَةِ رَبِّهِ يُوَطِّنُهَا عَلَى مَحَبَّتِهِ أَوْ يُوَطِّنُهَا عَلَى مَحَبَّتِهِ وَابْتُلِيَ بِتَصَبُّرِهَا عَلَى الْمَعَاصِي وَذِلِّهَا وَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَسْبِقَكَ إِلَى اللَّهِ أَحَدٌ فَافْعَلْ وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ يُفْتَحُ بَابَ الْإِجَابَةِ مِنَ السَّمَاءِ خزائن الوهاب ملاء فاسأل من جود الكريم واطلب رحمة الرحيم فهذا شر العطايا والنفحات والمنن والهبات وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. Donc les nuits du Ramadan, ce sont les meilleures nuits de l'année. Ce sont en vérité le summum des nuits de l'année. Et bien sûr, ce sont des nuits qui sont très chères. Et ces moments-là sont importants. Donc en vérité, ils sont chers, ce sont des moments qui sont importants. Et aussi, car ici, non seulement tu purifies, ce sont des moments purificateurs. Et aussi, il y a le bon goût, justement, de quoi? Du fait d'être sauvé, du fait d'avoir la réussite, d'avoir en réalité la réussite. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure prière, après la prière obligatoire, c'est la prière de nuit. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prie la nuit avec lui-même, jusqu'à ce que lui-même quitte, lui sera écrit comme s'il avait prié toute la nuit complète, qiyam al-layl. Donc c'est comme s'il avait prié la nuit complète. Et celui qui ne patiente pas, qui ne s'efforce pas à patienter dans l'adoration de son Seigneur, et aussi par le fait de rester avec l'amour de son Seigneur, il sera donc éprouvé par rapport à quoi? Par rapport au péché. Et l'avilissement de péché, il va être avili pendant ce mois, et pour les péchés. Et si tu es même capable que personne ne fasse mieux que toi, fais-le alors. Sois en vérité le premier parmi les musulmans. Et dans chaque nuit, les portes de la réponse et de le fait qu'Allah exauce est ouverte à partir du ciel. Allah ouvre les portes du fait que les doigts seront exaucés. Et aussi, les trésors de celui qui donne énormément sont remplis. Donc demande aux grands généreux, aux plus généreux, et demande la miséricorde du miséricordieux. Voici le mois où on donne. Voici le mois où donc, il y a énormément de dons. Et celui qui n'est pas capable, donc en vérité, c'est Celui qui n'a pas été. La personne la plus incapable, c'est la personne la plus incapable dans le fait de faire doua. Hein, celui qui n'arrive pas à faire doua, sachez que c'est lui le plus incapable. Ô musulmans, ayam sahaif al-a'mal. Wasa'idu man yukhliduha bi ahsan al-a'mal. ومن نقله الله عز وجل من ذل المعاصي الى عز الطاعات اغناه بلا مال وانسه بلا انس وراحه النفس في قله الاثام ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه وفي هذا الشهر المبارك المنزل فيه القران العظيم المتعدده فيه طلب انواع المغفره من توسع من المعروف والبذل الدعاء وتفريج الكروبات والإكثار من العبادات إلا أنه لكل موسم خاسر وبعض الناس أرخص لياليه العز وأرهق فيها بصره مع الفضائيات يعيش معها في أوهام يصرح فكره حولها في خيال يتطلع لها لعل له فيها سعادة السراب فإذا انقضى شهر الصيام لا لما في جمع ولا للآخرة ارتفع ربح الناس هو الخاسر. Au musulman, donc ce sont des jours où les actes sont écrits. Les actes seront donc bien sûr écrits, ou bien ce sont donc les jours où, c'est-à-dire les jours en vérité, ce sont des parties du temps. Ce sont des parties du temps. Et le bienheureux, c'est celui qui fait demeurer, qui fait perdurer justement ce temps-là par les meilleurs actes. Et c'est celui dont Allah Azza wa Jalla l'a donc propulsé à partir de l'avilissement des péchés vers donc la noblesse de l'adoration. Et Allah l'enrichit sans qu'il ait de l'argent. Et Allah fait de lui donc un compagnon sans qu'il ait besoin des gens. Et son âme sera apaisée car il a peu de péchés. Et celui qui connaît son Seigneur va donc justement passer son temps à adorer son Seigneur. Et il va délaisser ses passions. Et dans ce mois qui est béni, qui est où le Coran a été descendu, donc il faut demander énormément de miséricorde à Allah subhanahu wa ta'ala. Énormément. En faisant justement énormément de bien. Il faut invoquer abondamment. Et cela va enlever justement le mal qui est en toi. C'est-à-dire toutes les épreuves qu'Allah t'a données. Allah t'afflige, il va enlever ce qui t'a affligé. Et aussi augmente notre adoration. Car dans chaque période, il y a donc bien sûr une perdition. Il y a quelqu'un qui se perd. Et certains sont justement perdus, encore plus perdus ces nuits-là. Car qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la télé. Il vit en vérité donc dans des rêves. Il regarde les femmes dans la télé, il est content, ça le suffit. C'est un rêve. Il ne vit pas avec elle, il ne sait plus en train de regarder. Il s'imagine des choses. Hein, et il s'imagine que c'est ça, il pense que c'est cette imagination qui va l'amener au bonheur. C'est pour ça qu'il est en train de s'imaginer ça. Et en vérité, c'est lui qui est sûr, donc, et il fait ça pendant le mois du Ramadan. Il n'a ni gagné dans la vie d'ici-bas, et encore moins dans l'au-delà. Il n'a rien gagné, il ne s'est pas élevé dans l'au-delà. Et en vérité, donc, il pense qu'il a quoi gagné, mais en vérité, il a été perdant. Akulu qawli hada, astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون دواء القلوب في خمسة أشياء قراءة القرآن بتدبر وخلوء البطن وقيام الليل وتضرع عند السحر ومجالسة الصالحين فليكن لك أيها المسلم في شهر رمضان عملا تجاهد القرآن أو تهجد وقرآن واغتنم عمرة في رمضان فإنها تعدل الحج ولقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام الاعتكاف في رمضان وهو لزوم مسجد طاعة لله وهو يعني عكوف بالقلب على الله والانقطاع عن الخلق وانشغال بالعبادة والذكر وقراءة القرآن. Ô musulmans, la guérison des cœurs se retrouve en cinq choses. La lecture du Coran avec méditation, avoir le ventre creux, prier la nuit, être concentré et humble dans cette nuit blanche, et s'asseoir avec les personnes pieuses. Donc voici les cinq points, les cinq choses qui vont en vérité amener justement la guérison du cœur. Donc il faut, musulman, que tu sois dans ce mois du Ramadan, comme ça parmi ceux qui vont prier la nuit et qui vont lire le Coran. Donc aussi, si tu peux, fais la Umrah pendant le mois du Ramadan, car elle a comme récompense le Hajj. Elle a comme récompense le Hajj. Et dans une variante, le Hajj avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, parmi sa sunnah, parmi sa guidée, c'est qu'il faisait Al-Atikaf. Donc il faisait cette retraite dans la mosquée. Donc pendant le mois du Ramadan, c'est-à-dire le fait de rester dans la mosquée pour adorer Allah. Pour adorer Allah. Et c'est-à-dire en vérité d'avoir son cœur accroché à Allah. Et de délaisser les gens. De délaisser les gens. Et aussi de s'occuper de l'adoration et du rappel et de la lecture du Coran. واحفظ لسانك وسمعك وبصرك عما حرم الله. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي للصائم أن يتعهد صومه من لسانه ولا يماري. كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نحفظ ولا نختم أحدا. Donc délaisse ce qui va en vérité annuler et ce qui va empiéter ce jeûne, et ne parle pas sur les musulmans. Donc ne médite pas sur les musulmans. Et retiens ta langue, retiens tes yeux, retiens ton ouïe, tes oreilles, sur ce dont Allah a interdit. Et l'imam Ahmed dit, rahmallah, il est très recommandé pour celui qui jeûne, qui en vérité, donc qui fasse un pacte avec ce jeûne-là, et qui retient sa langue, et qui ne parle pas, la yumari, et ne cherche pas en vérité à discuter avec les gens pour faire des disputes, al-mira. Et aussi, lorsqu'il jeûnait, donc il parle de ceux qui étaient avant lui parmi les compagnons et les plus prédécesseurs, donc les imams avant lui, ils disaient, lorsqu'il jeûnait, il restait dans la mosquée, et qu'est-ce qu'il disait? Ils disaient, retiens. Donc nous protégeons notre jeûne, et nous parlons sur personne. Et nous ne parlons sur personne. Nous retenons notre jeûne, et nous ne parlons sur personne. Ils n'ont pas dit, on mange pas, on ne boit pas. Et nous ne parlons sur personne. Si tu parles sur quelqu'un, crains Allah qu'en vérité ton jeûne soit annulé. T'as encore faim, t'as encore soif, mais ton jeûne il est peut-être quoi? Annulé. Donc il faut faire attention à cela. وَمَنْ بُلْيَا بِجَاهِلْ فَلَا يُقَابِلْهُ بِمِثْلِ سُؤِهِ وَيَقُولُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فإذا كان يوم الصوم أحدكم وأحدكم فلا يلفظ ولا يسخط فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم. Et aussi, celui dont Allah lui mettra sur ce chemin, comme épreuve, un ignorant, c'est-à-dire quelqu'un qui aime faire les histoires. Donc ne lui répond pas par ce qui est mauvais. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, le jeûne est une protection. Et si l'un d'entre vous donc jeûne, s'il y a le jour de jeûne pour l'un d'entre vous, qu'il ne dise pas, donc qu'il ne profère pas des mauvaises paroles. Et qu'il ne crie pas. Et si quelqu'un insulte, ou donc le combat ou quoi, qu'il dise, certes je jeûne, certes je jeûne. وَجْعَلْ شَرَرَ صَوْمِكَ جِهَادًا مُتَوَاصِلًا ضِدَّ الشَّهَوَاتِ النَّفْسِ. Et aussi donc ce mois fait que c'est un mois qui va être contre les délices de ton nefs. Donc en vérité, les passions qu'il y a dans ton cœur. Combat tes passions. انْقِطَاعًا إِلَى اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ. Donc reviens afin de couper cette route-là pour justement revenir vers Allah Azza wa Jal et son adoration. وَمُدَارَسَةَ الْآيَاتِ التَّنْزِيلِ وَقِيَامًا مُخْلِصًا بِاللَّيْلِ فَهُمْ فهو موسم التوبة والإنابة فباب التوبة مفتوح وعطاء ربك ممنوح فمتى يتوب من أسرف من أسرف في الخطايا وأكثر من المعاصي وإن لم يتوب في شهر رمضان ومتى يعود إلى إن لم يعود في شهر الرحمة والغفران فبادر بالعودة إلى الله واترك عباده وأكثر أو أكثر من استغفاره وأكثر من استغفاره. Donc il faut en vérité ici apprendre les versets du Coran. On prie en étant sincère dans la nuit, car c'est une période de pardon, c'est une période en vérité de repentir et de retour vers Allah. La porte de la tauba est ouverte, la porte du repentir est ouverte, et le don de ton Seigneur est là, il est large. Et quand est-ce que va faire tauba, quand est-ce que va revenir vers Allah, va se repentir celui qui avait énormément de péchés et qui fait beaucoup de péchés? Si ce n'est pas pendant ce mois-ci, quand est-ce qu'il va le faire? Quand est-ce qu'il va revenir s'il ne revient pas, qu'il ne profite pas du mois de la miséricorde et du pardon? Donc reviens. Donc empresse-toi de revenir vers Allah. Et frappe à sa porte. Et demande beaucoup pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَاغْتَنِمُوا زَمَانَ الْأَرْبَاحِ فَأَيَّامَ الْمَوَاسِمِ مَعْدُودَ وَأَوْقَاتَ الْفَضَائِلِ الْمَشْهُودَةِ وَفِي رَمَضَانَ كُنُوزٌ غَالِيَةٌ فَلَا تَدْعُوهَا بِاللَّهْوِ وَاللَّعِبِ وَمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ فَإِنَّكُمْ تَدْرُونَ مَتَى تَرْجُونَ إِلَى اللَّهِ أَوْ تَرْجِعُونَ إِلَى اللَّهِ مَتَى تَرْجِعُونَ إِلَى اللَّهِ هَلْ تُدْرِكُونَ رَمَضَانَ آخِرَ أَوْ لَا تُدْرِكُونَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ الْعَاقِلِ من نظر في حاله وفكر في عيوبه وأصلح نفسه قبل يفأجه الموت فينقطع عمله ويتنقل إلى دار البرزخ ثم إلى دار الحساب. Donc craignez Allah, serviteur d'Allah, et recherchez et profitez des moments où il y a des gains. Ce sont les moments où, des périodes où les jours en vérité sont peu. C'est ces deux moments qui ont beaucoup de bien et qui sont connus, mais je crois. Donc ils sont en plus, donc Allah regarde, les anges sont là. Et pendant le mois de Ramadan, il y a énormément de trésors, énormément de trésors. Donc ne délaissez pas, ne perdez pas ces trésors par l'amusement. Ou bien parce qu'il n'a pas de bénéfice. Car vous ne savez pas quand est-ce que vous allez revenir à Allah. Est-ce qu'on va justement, qui dit combien de musulmans vont mourir ces jours? Aujourd'hui, pourtant c'est demain Ramadan. Ils ne vont pas voir le mois du Ramadan alors qu'ils l'espèrent. Donc, combien de gens n'arriveront pas à ce mois, hein, ils ne voient pas, ou bien n'arrivent pas à la fin du mois, ils vont mourir pendant le Ramadan, ou bien ils ne vont pas même pas rentrer dans le mois du Ramadan. Et celui qui est doué de raison, c'est celui qui se regarde, c'est celui qui médite sur ses péchés, et qui arrange sa situation avant que la mort ne le surprenne. Donc, son acte va être coupé, et il va revenir vers la maison du barzakh, c'est-à-dire la tombe, avant de se retrouver à la maison des comptes. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاة قطمت الصلاة قطمت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اهتدوا استووا استووا صفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم استووا الصفوف كل شخص donc regarde le صف qui est dans son rang. C'est bon. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.